Charlie, nous avons un problème. Hey, Charlie. Hey, come on. Titi, à toi. On a un batteur. Bateau-chat. Ça va ma basse, non ? Sale, ça serait bien. À la Nirvana. Thank you. Si, si. On essaye avec Monsieur Spaz. Thank you. ordinateur et Titi. Ouais, ça va. Salut, Equist. Salut, Titi. Et salut, Batochard. Thank you.